dire qu'il y avait tellement de l'ambiance à cette époque-là. Et comme j'étais beau garçon, quand je vois que j'ai fait mes 30 ans aujourd'hui alors que j'avais 18 ans hier, les jours passent comme les voitures. Ouais, la vie de l'homme ne dure pas longtemps. Quel est le bilan de ma vie, hein? Hey! Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? On fait le bilan, calmement se remémorant chaque instant. Parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. Le temps passé, passé, passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? On fait le bilan, calmement se remémorant chaque instant. Parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, vous êtes dans la deuxième émission de C'était mieux avant, une émission spéciale musique, pas n'importe quelle musique. Alors une période qui n'est pas assez vieille pour passer sur Nostalgie, une période qui est trop ringarde, donc pour passer à la radio, je parle des années 2000. Alors si tu te dis comment ça de la musique commerciale de mauvais goût sur Radio Guimauzo, eh bien c'est que soit tu es trop vieux, soit tu es trop jeune. Alors en tout cas, si tu as grandi comme moi et les invités qui sont là aujourd'hui, voilà, ça, tu seras submergé par les souvenirs. Voilà, maintenant tu sais à quoi t'attendre, donc chers auditeurs et chères auditrices, bienvenue dans l'émission C'était mieux avant. Alors aujourd'hui, on est avec Florence et Coralie. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien les filles? Oui, ça va. Ça va, ça va. Super à l'aise. C'est votre, faut dire, c'est votre première fois que vous passez à la radio. Exactement. Ça va, pas trop stressé? Un peu, mais ça va le faire. Ouais, c'est des musiques que vous connaissez par cœur, la musique des années 2000. Faudra juste éviter de nous faire chanter. Ou couper les micros, je pense. C'est ça. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça vous rappelle un petit peu, toutes ces musiques des années de 2000 à 2010? Est-ce qu'il y a des mots comme ça qui vous viennent? Les pyjamas parties, Camille. Des super souvenirs, ouais. Les soirées du collège. Ouais. Les balles. Ouais, mm-hmm. On n'a pas fait beaucoup de balles de classe, on n'en a fait qu'un. Après, ouais, c'est vrai qu'on avait les balles de carnaval. Et des balles de feu de Saint-Jean. Exactement. Voilà. C'est plutôt pas mal. Ouais, 14 juillet aussi. 14 juillet. Aussi, oui. Avec des super DJ locaux qui viennent animer le dance floor. Ah, j'ai oublié son nom, mais... Ouais. Ok, alors on a choisi chacune une musique qui nous rappelle quelque chose. Alors... On commence par qui, alors? Bah... Mamone ou Coralie, pardon, ou Florence? Bon, on peut commencer par Coralie, alors. Vas-y, je commence, si tu veux. Je te passe... Alors, qu'est-ce que ça te rappelle comme souvenir, Mamone, cette musique? Alors, déjà, dis-nous le nom de l'artiste. Oula, Usher. Ouais, avec la musique. Le titre, c'est Ye. Ah, en anglais, je suis nulle, hein, par contre. Ouais, mais là, ça va, je pense que t'as bien prononcé. Alors, dis-nous pourquoi cette musique, Maman Corby. Cette musique, parce que ça me rappelle ma période du collège. Mm-hmm. Et ça rappelle la chorale qu'on faisait à l'époque. Et du coup, j'ai dû faire une chorégraphie à l'époque avec ma sœur. Du coup, ça rappelle des bons souvenirs et des mauvais en même temps. Mais c'est plutôt des bons souvenirs, hein, au final. Donc cette super chorégraphie que vous avez fait à deux dans la salle des fêtes devant tous les gens qui étaient là. C'est ça. Bon, c'était surtout les parents, ça va? Oui. C'était pas trop... Non, le plus chiant, c'était la sœur, quoi, mais... Il est dommage qu'à la radio, on n'ait pas l'image. Et oui, parce qu'il faut dire, on a gardé donc, des souvenirs de cette période avec des super photos et une petite vidéo. Je ne suis pas sûre que les souvenirs sont nécessaires à garder, mais je n'ai pas trop le choix. C'était une choré que vous aviez faite vous-même, vous aviez inventé les pas et tout quand même. Oui, c'est ça. C'était, ouais, c'était quand même pas mal. Que Annelle avait fait, ouais, et que j'ai dû reproduire, ouais, ouais, tu vois, exactement quand elle le voulait. C'était la chef d'orchestre et maman, il fallait obéir. Voilà, il faut dire que c'était ta grande sœur, ouais, voilà, et tu étais la petite sœur. Tu devais voilà, tout faire. Ok, ben, vous voulez qu'on s'écoute celle-là pour commencer l'émission? Bah vas-y. Ok, et ben c'est parti donc pour une musique de Cher, yeah. Peace up, A-Town down. Yeah, yeah, yeah. Okay, yeah, yeah. Hush, hush, hush, hush, hush. Well, let's go, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, on you, you think that you know me. Decided to cheat. Okay. Conversation got heavy. Hey. She had me feeling like she's ready to blow. Oh, watch out. C'était une musique de Usher avec Ye. Et oui, vous êtes bien sur Radio Guimauzo dans l'émission C'était mieux avant. Donc la deuxième, je ne sais pas s'il y en aura d'autres, mais en tout cas, on en avait fait une première. Et donc voilà, c'était donc Usher avec Ye. Et aujourd'hui, on est avec Coralie et Florence. Alors du coup, c'était une chanson choisie par Coralie. Donc voilà, pour rappeler plein de bons souvenirs des années collège. Et voilà, donc les filles, je sais pas si je vous avais dit, mais du coup, j'ai choisi un petit peu ma playlist de l'émission en fonction de petits défis. Voilà, à faire toutes les deux. Vas-y, voilà, il y aura donc un peu de challenge avec un petit quelque chose à gagner. Donc voilà, donc c'est très bien comme donc vous avez pour pas. Nous. Oui, voilà. Oh. Ouh. Attends, je suis à fond là. On est comme des gosses là. C'est bon. Comme vous n'avez pas écouté la première émission, c'est parfait, vous ne savez pas du tout ce qu'il y a à gagner. En plus, et du coup, et là, surtout, j'allais te demander, c'était quoi le thème de la première émission C'était aussi des années 2000. Du coup, comme il y a tellement de chansons à passer, je pourrais en faire, je ne sais pas combien, je pense, des émissions. Donc voilà, c'était un peu le même genre de questions, le même genre de petits défis, vous allez voir. Du coup, on va commencer avec le premier défi. Alors, je pense que vous connaissez le principe, c'est donc de... je ne sais plus comment ça s'appelle. Moi, j'appelle ça « C'est quoi la suite ?» En gros, la musique s'arrête. Et puis on doit continuer la chanson. Yes. Non, après, vous n'êtes pas obligé de chanter. L'important, c'est les paroles. Ok. On s'en fout vraiment que vous chantiez. Vraiment, c'est souvenir de qu'est-ce que qu'est-ce qui est raconté donc après. Et en plus, j'ai été sympa. J'ai pris que des musiques qu'on a apprises au collège, mais qui datent des années 2000. Donc, okay. C'est pas les vieilles chansons des années 80-90, c'est vraiment des trucs des années 2000. Donc, voilà. Donc, on va voir si vous avez encore des petits souvenirs. Tu sais qu'il fait beau quand même, là. Alors, on commence. Vas-y. Si ça vous dit. Ok. Alors, c'est parti. Et ben, dès que ça s'arrête, il faut que... Voilà, vous trouviez les paroles. Ah, oh. J'attends, j'attends. Oh, ah là là là, c'est notre prof de musique nous entend. Elle sera triste. On l'a vraiment chanté ça? Ouais, ah, ouais. Je suis sûre. Non, mais que... si, ça me dit quelque chose. Moi, je connais les paroles et c'est pas ma musique préférée. Hein. C'est pas un truc par rapport à son amoureux. J'attends. C'est une espèce de métaphore. Il y a un bus dans les paroles. J'attends le bus qui me mènera. J'attends. Qui me mènera. Ouais, il y a d'autres mots après, mais... Qui me mènera à ton cœur, à ta vie. C'est de l'improvisation, là. Oui. Ça va pas du tout. Non, mais bon, vous voulez que je vous dise les paroles? Ouais, vas-y. Ou alors, je vais plutôt vous faire écouter l'extrait, je pense que ça sera peut-être plus simple. Qui chante ça? C'était Leslie. Oh. Oh. ça vous a marqué les esprits. Hein. Ouais, il avait fait Sobri, là, oui. Je me souviens, avec Amine et tout. Bah, c'est pas forcément la plus connue, celle-là, mais c'était celle qu'on avait fait au collège. Qu'on avait fait, et je me souviens des paroles et je m'étais dit, ça parle d'amour et ça parle de bus. Enfin, c'était un petit peu... c'était un peu bizarre, voilà. Au collège, quoi. Et bon. Bon, et ben, est-ce que je donne un point à Florence qui m'a trouvé un ou deux mots? Bah oui, vas-y. Bof, Florence, c'est plutôt pour pas donner de points. Non, je prends comme ça, je prends de l'avance, je note. Allez, je fais le petit décompte, là. Hop. Et on se fait la prochaine? Il y en a trois. Vas-y. Alors, la prochaine, je pense que Mamone devrait y arriver. C'était un... Oh mince, ouais. Qui Mamone? Coralie, pardon. Oh, tu peux dire, hein. J'ai remonté les tourments. Pour m'approcher encore, j'ai ton désir ancré sur le mien. J'ai ton désir ancré à mes chevilles. Viens. Je ne reviendrai plus, je sais plus quoi. Rien. Pas d'idée. Mais non, enfin, oh, je l'ai. Sinon, je te fais juste. Donc, c'était bien. Viens, rien ne nous retient à rien. Tout ne tient qu'à nous. Et alors, le refrain. Ne nous. Oh, merde. Oh, le refrain. Mais oui. Le premier mot. Je fais. Et toi, mon essentiel. Yes. Ah oui. Mais, ah c'est ouais, non, mais chanson. Tu sais, les paroles, moi, je. Ah, maman, je croyais que t'étais fan du Roi Soleil. Bah, alors, oui. Non, mais n'importe quelle parole, tu me demandes, je suis une... Merci Camille de nous avoir fait regarder le Roi Soleil. Oui, alors, je sais pas si trop on l'avait raconté à Coralie, que j'avais acheté un... Je sais pas, je crois que j'avais trop envie de grenier ou je sais pas trop. Un DVD, ouais, du Roi Soleil. Et je t'ai dit, oh, je m'étais dit, oh, ça ferait trop plaisir à Coralie. Oui. Est-ce que je te l'avais donné après? Oui, tu me l'as offert. Et ben, je crois qu'avant, je me suis dit qu'il fallait quand même que je le regarde. Tu l'as pas regardé? Oui. Avec Florence et un jeune garçon dont je tairai le nom, oui. Qui était ravi, mais alors ravi de voir la comédie Roi Soleil. Musicale. Parce que je m'étais dit quand même, il fallait pas que je reste inculte, il fallait que je la regarde, tu vois. Voilà. Bah, elle a regardé au moins une fois. Voilà. Donc bah c'est fait. Voilà, je peux la cocher dans ma liste de choses ça. À faire. Je peux me dire au suivant. Bon ben bah, un petit point à Florence alors. Parce que maman. Décidément, vas-y. Prends le point. Prends mais de toute façon, je pense que je pense que tu vas mener parce que je vais que... repartir avec un porte-clés, un bon d'achat au casino. Ah, tu verras, moi, tu verras. Moi, les paroles, la musique, je suis à fond, mais les paroles. Bah, écoute, si tu veux, je te donne un point si tu me fais un petit nananana. Ok. Ça d'accord. Passe. Je te fais l'air, moi. Ok. Je m'en viens. Allez, bonne chance. Coralie, elle fait donc la version karaoké et toi, Florence, tu fais les paroles, c'est ça? T'es foutu là. Alors, la troisième, elle est un peu plus dure, mais j'avais quand même envie de la mettre. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Option Vosgien. I walk this empty street. Na na na na na. Boulevard Broken Dreams, ou un truc comme ça. Ouais. C'est le titre de la chanson. Mais il le dit, c'est juste après I walk this empty street on the Boulevard of Broken Dreams. Est-ce que tu peux répéter? Je vais la mettre le petit extrait, ce sera plus simple. Hein. I walk this empty street. Et donc voilà, c'était Green Day, Boulevard of Broken Dreams. Mm. Et on l'avait faite, oui, au collège. Oui, troisième. Et j'avais le souvenir que c'était absolument horrible à prononcer. Ah, on est d'accord. T'es très traumatisée par cette chanson. Je pense que la prof aussi était traumatisée. De nous entendre, ouais. Surtout qu'elle nous collait un micro hein, quand même pour chanter. Hein, ah ouais, je me souvenais pas du tout. Oui, donc tout le monde entendait. Ouais. Et moi je me souviens qu'il y avait une jeune fille anglaise dans en troisième, du coup, c'était ça, elle était déjà arrivée. Oui. Et elle chantait super bien, bah forcément déjà elle chantait bien et en plus elle parlait bien anglais. Normal. Et donc toi tu passes juste après elle. Et c'était un petit peu l'échec. Je pense qu'elle s'était bien moquée de nous. Ouais. Bah, ça doit être assez drôle, hein, nous entendre faire du marshmallow, je sais pas comment t'appelles ça. Du chewing-gum. Yaourt. Ouais, du yaourt. Ouais. Ok, et ben, est-ce que vous voulez qu'on s'écoute une des trois? Ah ouais, mais alors laquelle du coup? Donc c'était Leslie et j'attends, Mon essentiel du Roi Soleil ou Boulevard of Broken Dreams de Green Day. Boulevard of Broken Dreams. Yeah, vas-y, mets-nous du rock. T'as vu ce magnifique anglais que je viens de te faire? Allez, c'est parti. Donc on se retrouve tout de suite dans l'émission. C'était mieux avant. Sometimes walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one to walk up. C'était Boulevard of Broken Dreams de Green Day. Et vous êtes dans l'émission C'était mieux avant, l'émission des années 2000. Alors aujourd'hui, je suis avec Florence et Coralie. Et donc, on a choisi chacune une musique. Et ben, je propose à la deuxième personne de présenter sa musique. Florence, oui. Je t'en prie. Excuse-moi, j'étais en train de bailler. Ouh là là, c'est dur l'émission la plus ennuyante. Ah ouais, c'était Cascada. Ouais. Tu vas me rappeler le titre de la chanson ? Every Time We Touch. Exactement. Et alors pourquoi ? Pourquoi ? Bah, comme on disait tout à l'heure, c'était ma sonnerie de téléphone. Oh, voilà. Ton premier téléphone, non. Florence ? Non, c'était pas mon premier téléphone, mais avant, tu sais, c'était les sonneries. Tu vois, c'était... Ouais, c'était... ça ressemblait pas du tout à la musique de Exactement. Base. Exactement. Et il me semble d'ailleurs que j'avais dû l'acheter, Cascada. Ah oui, parce que tu pouvais t'envoyer des SMS, je sais pas quoi, t'acheter un euro la musique ou je sais pas quoi. J'ai dû me faire avoir et acheter ça. Ouais, je pense qu'il y a des gens qui ont dépensé plein d'argent dans les petites images aussi à acheter. Oui, les petits diables. Ouais, je me souviens. On avait des beaux téléphones. C'était quoi vos modèles, les filles, les premiers téléphones que vous avez eu ? Le premier, Alcatel. À clapet. C'était un pavé. C'était un pavé, c'était pas un clapet ? Non, c'est après que j'ai eu le clapet. Et toi, Maman ? Un Samsung. Tu ouvres comme ça. À clapet. Ouais, ok. Tout blanc, transparent. Truc à la mode, déjà, le Samsung. Waouh. Ouais. Wow. Vous l'avez eu quand, votre premier téléphone ? À ma communion, Camille. Waouh ! Parce que du coup, c'était quoi ? C'était en sixième, hein ? Exactement. Du coup, t'as été bien sage et tout, on a fait un petit téléphone à Florence. Pour la communion. Voilà. À la place, avant, c'était quoi ? C'était les montres, non ? C'était pas des trucs comme ça ou... Si, bah, j'ai eu aussi la montre, ouais. Mais bien sûr, t'as aussi la Bible, hein, t'inquiète pas. Le package. Package, exactement. Maman, toi aussi, c'était ta communion ? Ah non, moi, je l'ai eu fin de quatrième. Ah, tu l'as eu vachement plus tard que Florence. Et à la base, je devais l'avoir au lycée. Ah bah, tu sais, moi, je l'ai eu en terminale. Donc, voilà. Mais effectivement, je me souviens, il y avait eu une vague de gens qui avaient un téléphone portable subitement en sixième. Mmh. Et du coup, toi, tu faisais un peu partie des exclus, tu sais, t'étais là. Bon, c'est ça. Je n'ai pas de SMS à envoyer. On sent la souffrance. Puis, je l'ai eu grâce un peu à vous, entre guillemets. Parce que j'appelais toujours sur ton fixe. Oui. Et ma mère, vu que j'étais toujours en vadrouille, a décidé de me le donner en avance pour avoir plus facilité de t'espionner, en fait, pour savoir où t'es. Hein. C'est pour ça que je l'ai eu tôt, en fin de compte. Ouais, c'était pour savoir où est-ce que Coralie traînait les soirs dans les petits villages, dans les bois. Elle savait déjà avec qui. Bah, c'est vrai qu'on est un petit peu à la campagne. Pour se déplacer, c'était un petit peu compliqué. Mais bon, voilà, c'était vrai que c'était pratique les téléphones portables, du coup, pour communiquer avec ses enfants, pour aller les chercher, tout, oui, en soirée. Tout. Ça, c'est vrai. Voilà. Pour communiquer avec ses enfants, oui, bah oui. Dans le sens, après, c'est sûr, c'est plus simple. Enfin, tu peux te dire, t'es un parent sévère, tu te dis, pas de téléphone, tu sors pas, tu fais rien, tu restes à la maison, comme ça, tu as pas de soucis de communication. Bon, bah, on se fait Cascada Every Time We Touch, alors. Bah, avec plaisir. Faut se rappeler des bons souvenirs. C'est parti. I still hear your voice when you sleep next to me. I still feel your touch in my dream. Forgive me my weakness, but I don't know why. Without you, it's hard to survive. 'Cause every time we touch, my sky. They wipe away tears that I cry. The good and the bad times, we've been through them all. You make me rise when I fall. 'Cause every time we touch, I get this feeling. And every time we kiss, I swear I could fly. Can't you feel my heart beat fast? Venez d'entendre donc une musique de Cascada, Every Time We Touch, donc pour se rappeler les vieilles années. Moi, je dirais à peu près 2006-2007, c'était la chanson choisie par Florence parce que c'était sa première vraie sonnerie. Oh, putain, de téléphone. Quel souvenir. Moi, je suis sûre que les gens, ils se souviennent aussi de leur sonnerie de téléphone. Ça peut être un bon souvenir, surtout quand c'est un de tes premiers téléphones. Bref. Donc, j'ai parlé de défis. Voilà. Et donc, arrive le défi suivant. Est-ce que vous êtes prêtes? Alors, ça va être un blind test. Mais pas un blind test tout à fait comme les autres. En fait, j'ai pris la musique. Et je l'ai soit accéléré, soit ralenti. Donc je vous préviens, quand c'est accéléré, c'est hyper aigu. D'accord. Et quand c'est ralenti, c'est hyper grave. D'ailleurs, on ne reconnaît même pas la voix tellement que ça change. Mais voilà, du coup, j'en ai deux. Et vous êtes prêtes? Vas-y, DJ. Vas-y. Allez. Ah si, non, il y en a un oiseau, une chèvre. Ouais, Florence, t'as... C'est toi qui as dit en premier, non? C'est Ilona, puis son nom de famille, Mitrosset. Et le titre, Maman, tu étais... Alors là, le titre, je sais plus, mais je connais un peu les paroles vite fait comme ça, mais... Un oiseau, un enfant, une chèvre, c'était ça? Non, c'est le refrain. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça le refrain. Un monde merveilleux ou un... Presque. Un monde parfait. Un monde... Ah. Je pense que je vais donner le point à Florence, hein. Merci, Maman. Si t'es presque, qu'est-ce que je fais? Je te donne un demi-point quand même, Maman, parce que t'es à zéro, là. j'assume mon zéro. Oui, alors, je pense que maintenant, je peux le dire, parce que j'ai pas arrêté de taper Maman. Bon, c'est Maman ou Coralie, vous avez compris, c'était la même personne. Les schizos, voilà. Double personnalité. Bon, bah, on va mettre un petit demi-point à Maman, allez, parce que, voilà, je suis magnanime. Ah, tu allez, me fais hop. Vraiment le décompte, hein. Ouais, et Florence, c'est 4, du coup. Parce que du coup, je t'ai mis les 3 points, on va dire, pour les premiers trucs. Je t'avais à peu près deviné à chaque fois un mot ou un petit bout de mot. Du coup, c'est encourageant. Vous voulez qu'on s'écoute l'extrait de ce que ça donnait en vrai, sans accélération? Ah, bah, Ilona, oui, vas-y. Ah oui. Ça nous rappellera des souvenirs. Ah oui. Qu'est-elle devenue, d'ailleurs? Je ne sais pas. Regardez, faut qu'on regarde Wikipédia. C'est un peu rappeur. Hein, ouais. Ce matin, j'imagine un dessin sans nuage, avec quelques couleurs comme vient mon pinceau. Du bleu, du rouge, du jaune, sans sache quoi. J'ai fait une chorégraphie dessus. Ouais, c'est un truc horrible. Avant, t'as fait une chorégraphie, ouais. Maman, ouais. C'était quand? Je savais pas. C'est quoi cette anecdote? C'est vrai qu'on nous en sort. C'était quand? Voilà, je suis obligée de balancer maintenant. Sinon, on le balancera en off si ça. C'est vraiment un souvenir beaucoup trop difficile de ton adolescence. C'est quand je faisais de la danse à Saint-Loup, sur Semousse. Ah. À Saint-Loup, sur Semousse. Il y avait des petits qui faisaient de la danse aussi. En fait, la prof de danse voulait réunir les grands et les petits, et faire une choré tous ensemble. Et la seule musique qui passait un peu à l'époque et qui était sortie, c'était celle-ci. Donc du coup, avec les enfants, j'avais une petite devant moi, on faisait le soleil, enfin voilà, on faisait des petites chorés pour que les petits puissent s'adapter, tu vois. Ah, c'est là. On le savait pas. Ça faisait plaisir aux parents, tu vois. Et c'est, je sais pas combien, j'aurais dû regarder peut-être avant, je sais pas combien de semaines c'est resté au top, top 1 des ventes ou top 3, mais c'est resté hyper longtemps. Genre c'était hallucinant quoi, à quel point une musique pouvait rester, tu sais, sur genre je sais pas, Fun Radio ou Skyrock, t'avais des tops qui te mettaient... On a bien eu Crazy Frog alors... Ouais. Qui fait la poule aussi. Ouais, Papa Pingouin aussi. C'est quoi ? Le Papa Pingouin, non ? Oui, René la taupe. Ouais. C'était classe quoi. Ah, on aurait peut-être dû choisir ça comme musique. C'est très représentatif de toi, Florence, c'est ça? C'est moi qui porte des lunettes, c'est pas toi. J'ai pas de lunettes, j'ai pas d'épis de bouteille. Bon, je vous mets la deuxième. Donc, je vous préviens, cette fois, c'est pas accéléré, c'est ralenti. Donc, faut pas se fier à la voix, parce que la voix, elle est vraiment déformée. Mais il faut plutôt essayer de se fixer sur les mots. C'est parti. Ah, t'as une idée, maman? Enfin, moi j'ai pensé à Tokyo Hotel. Ah non, ça faisait un peu allemand comme ça. Mais non, c'est du français. Bah oui, mais enfin vu que c'est une femme ou un homme, c'est qui vachement chante. Gras. C'est une femme. C'est une femme qui chante et en fait quand tu changes la vitesse, la voix, elle paraît tellement grave qu'on dirait un homme. Bah, c'est ça. C'est pour ça que j'ai pensé. Et puis en plus le rythme, je me dis Tokyo Hotel. Non, mais le rythme, faut pas se fier. Hein. Du coup, c'est absolument ralenti. Donc c'est plus l'air et les paroles. On a droit encore un petit essai. Ouais, bah ce que je peux essayer de vous faire, c'est de vous passer en un petit peu moins accéléré. Je peux essayer de faire ça. Alors, juste, je retrouve le bon extrait. Voilà, ça me... Ou alors, ce que je peux vous faire, c'est que je vous le passe en vitesse normale. Là, je pense que vous allez reconnaître vraiment assez rapidement. Prêt à briser l'enclave. Oui, Nadia. Bah alors. Comme un rock. Et non. Nadia. C'est pas comme un rock. Ah, c'est parti pour le show. Ouais. Mais maman a quand même choisi de trouver l'artiste. Ouais. Allez, un point chacune. Allez. Parti pour le show. Et c'est parti, stade show. Oui, elle avec ses grandes boxes et tout dans le clip là. Ouais, maman, t'en souviens. Ouais, attends. Je suis sûre qu'elle était fan. Oui. Ah, moi je veux bien Nadia, c'était pas trop mal. Bien. Hein. T'avais bien un poster dans ta chambre. Ah non. Ah non, ça c'était Laurie. C'était comment Jennifer. Jennifer et en mec, c'était... M. Pokora. Non, Willy le Denzé. Groupe... Trio. Non, Tragédie. Non. Ah, oh, ils sont trois. Ah, les trucs... Too Be Free. Oui. Ah, j'ai eu Too Be Free aussi à un moment. Bah, quand j'étais plus jeune, mais il y avait Too Be Free. Ok. Eh ben, vous voulez qu'on s'écoute une... Ouais, celle-là ou alors Ilona, qu'est-ce que vous préférez ? Ouais, je préfère encore Nadia. Non, ouais, Nadia. Allez, c'est parti pour Nadia. Ah, c'est plus raisonnable. Thank you. faiblesse. Un délaisse les coups qui le blessent. Blesse. Pour que l'autre s'affaisse, que le rideau se baisse. Et c'est parti pour le show. Et c'est parti, le stade est chaud. Et c'est parti, couche-toi sur ce fleuve. Tonight at the MGM Grand Las Vegas, the main event y'all been waiting for. On my right, you got Nadia, and on my left, Small Z. Let's go! Waiting on these suckers with a passion, so passion. Blast like a bullet, then bad before you pull it. Passion 24/7 before I get to heaven. Uppercut niggas and tell them. C'était donc Nadia, pas comme un rock, mais et c'est parti. Donc on est toujours avec Florence et Coralie, voilà, qui sont marres de rire. C'était une émission où on s'amuse bien. Alors un autre petit défi, les filles. Apparemment, vous regardiez quand même pas mal la télé, puisque maman m'a sorti dans le clip Nadia et tout, ouais, elle boxait et tout. Je sais pas, vous regardez beaucoup de clips ? Non. Ça va encore. Ouais. Joker, non, pas trop, non. Non, pas trop. Bah, à l'époque, pas tellement que ça, mais. Ok. Je regardais plus quand. Tu sais, quand on était en B2I, là. Ah de... Maman. Non, c'est ça. Au lieu de faire les cours, bah ouais, non, elle regardait discrètement des clips. Non, moi, par contre, je me souviens en B2I, c'était on allait chercher des paroles de musique et on les imprimait au CDI. Et voilà, elle était pas très contente, la documentaliste, qu'on imprime des paroles de choses. Même si on disait que c'était pour des cours de musique à un moment, au bout de 10. Au bout de 10 chansons imprimées, au bout de 30 minutes, elle disait bien qu'il y avait Madame un problème. Franck, quoi. Madame Franck. Voilà. Si elle nous écoute. Alors, du coup, c'est dommage, j'avais une petite question. En fait, mon prochain défi, c'était donc je vous donnais des mots qui rappellent un clip. Et il faut essayer de souvenir de la musique qui va donc avec le clip. Et bien sûr, le chanteur ou la chanteuse. Alors, celui-là, je pense qu'en plus, on l'a plus regardé sur YouTube après nos années collège que vraiment quand on était ado. je pense qu'il y en a qui vont se souvenir facilement. Je ne dis rien. Alors, je dis des mots et dès que vous vous souvenez, vous dites... Alors, marteau piqueur. ça me dit quelque chose. Maillot de bain. Et bricolage. Florence, c'est une, pas c'est une gonzesse déjà. Il y a des gonzesses en maillot de bain. C'est pas une fille qui chante ? Des américaines ? Non, c'est pas une fille qui chante. C'est pas des américaines. Il y a effectivement, ça me fait penser à un autre clip. Mais là, c'est. Je sais même pas si c'est un chanteur. Allez, je vous aide. C'est peut-être un DJ. David Guetta ? Non. Ah, attends. Concentration. Florence, je pensais que t'allais deviner tout de suite. Alors attends, Fid Le Grand ? Non. C'est Benny Benassi ? Bah oui, Satisfaction. Vous voyez pas le clip là où les filles elles sont en maillot de bain, elles font du bricolage, si. Elles se trémoussent. Si. Ça c'est hyper sous-entendu c'est quoi. Voilà. Satisfaction, ah oui. Et oui. Bon, qu'est-ce que je fais ? Je vous donne des points ou pas ? Bah pas trop, hein. Non, pas trop. Donné la réponse. On s'écoute une version, une petite version de Satisfaction, Benny Benassi. Ouais. Allez, c'est parti. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Satisfaction, satisfaction, satisfaction. Satisfaction. C'était Benny Benassi dans C'était mieux avant, donc avec leur super musique Satisfaction, avec surtout leur super clip. Donc c'est vrai que c'était un petit peu, il y avait pas mal de musique électro, vous en avez un peu parlé, David Guetta, c'était ses débuts un peu, 2006, 2007, je sais pas, par là, on avait qui? On avait Laurent Wolf, Bass Hunter, ah, on, oui, avait qui? On avait Bob Sinclair, que de la super musique de qualité, je sais pas, ils appelaient ça de la dance, ouais. Dance, je crois, j'ai passé Fun Radio, ils étaient un peu en mode, on passe que de la dance. Que de la musique un peu électro comme ça. Ah, ils avaient le... ouais. Leur générique, enfin leur... ouais, leur jingle. Ouais. Ouais, c'était ça, ouais. Je sais pas, Hit Music Dance ou truc comme ça, oui. Ouais. Et sinon, les filles, vous dansiez sur ce genre de musique? Ou plutôt sur des musiques caliente de l'été? Quels sont vos hits? Ouais, vos hits de l'été préférés? Est-ce que ça vous dit des souvenirs comme ça? Bah attends. Les Magic System. Ouais, j'avais parlé d'eux aussi, ouais. C'est ouais, plus eux qu'ils ont marqué, enfin, qui marquent chaque année l'été, en fait, avec une de leur musique. Ouais, alors plusieurs étés, peut-être pas chaque année. Plusieurs mais... étés, oui, pardon. Ouais. Je sais même pas, ils sont encore vivants? Oui. Bravo. Ils font encore des musiques? Je sais pas. Je crois ils que ont sorti un album, enfin, il y a un petit l'agent moment, de... mais. L'agent de... je sais plus c'est quoi. Je sais pas. Ah, moi non plus, je suis pas trop, je t'avoue. J'écoutais pas mal quand j'étais ado, mais maintenant plus trop. J'avoue. Si, si, ils sont toujours là. Ok. Toujours là. Alors, bah, j'ai choisi la prochaine musique. C'est aussi un hit de l'été. Mais pas... non, Magic System, j'ai déjà passé en fait dans l'émission d'avant. Du coup, là, j'ai changé. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai choisi Obsession d'Aventura. Ah, oui. Du coup, voilà, c'est donc la prochaine musique. Puis on se retrouve tout de suite après dans l'émission pour un prochain défi. Allez, c'est parti donc pour Aventura Obsession, pardon, pour, je sais pas comment prononcer, je suis pas fait espagnol. Voilà. Something flavor. Aventura. Mm. Solo escucha. Son las 5 de la mañana y yo no he dormido nada. Pensando en tu belleza, en loco voy a parar. El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio. Y hasta que no seas mía, no viviré en paz. He conocido un novio, pequeño y no hermoso. Y sé que él no te quiere por su forma de hablar. Además, tú no lo amas porque él no da la talla. No sabe complacerte. Aventura Obsession. Alors, je ne sais pas trop comment on prononce en espagnol, mais vous avez compris la musique. Et oui, c'était sorti en 2002, un hit qui est resté longtemps en 2004, donc musique de l'été. Et donc voilà, moi, c'est une musique que j'aime bien, mais je ne comprends absolument rien, parce que du coup, on n'a pas fait espagnol. Donc voilà, pour les gens qui ne savent pas, on vient d'un petit collège où on n'a pas eu vraiment le choix, en fait. Soit on faisait anglais LV1, allemand LV2, soit allemand LV1, soit... Et donc, anglais LV2. Donc, on a eu à peu près, en plus, toutes les trois, je crois qu'on a eu les mêmes profs. Nous avions 10 ans, nous avions du latin. Ah oui, c'est vrai. Ça fait une langue en plus. C'est vrai. Très important. Mais malheureusement, j'ai pas de chanson en latin. Voilà. J'en ai en anglais, en allemand, en espagnol, mais pas en latin. Dommage. Et du coup, on va faire une épreuve de langue. Donc, un petit défi. Alors, le principe est simple. Donc, j'ai pris une chanson en anglais et j'ai traduit le refrain en français. Et il faut trouver, donc juste avec la traduction du refrain, il faut trouver donc, le titre et l'auteur de la chanson. Si vous trouvez pas, je vous traduis, enfin je vous remets le refrain dans la langue originale. Et en général, si vous vous focalisez sur un mot, en général, il est dans le titre ou ça donne vraiment un indice. Voilà. Est-ce que ça vous dit, vous avez compris un petit peu le principe ? Vas-y, on va tenter. Donc voilà, le principe, c'est de se dire qu'est-ce que ça pourrait donner en anglais et du coup, qui c'est qui chante ça ? Vas-y. Alors, donc pour la première musique, le refrain, ça fait « Eh bien, demoiselle, comme il fait froid, je veux te garder au chaud. J'ai la bonne température pour te sauver de la tempête. Oh seigneur, meuf, j'ai la bonne tactique pour t'allumer. » Et conne. Ah non. Et meuf, je vais être le papa, tu peux être la maman. Oh, oh. Et là, quand tu traduis, tu dis « Mon Dieu, qu'est-ce que c'est nul !» Ah, c'est un mec qui chante ça, du coup. Ouais. Eh oui, je vais être le papa. Ça donne un indice. Il y a un petit mot, vous voulez que je vous relise ? Qui préfère-t-il ? Eh bien, demoiselle, comme il fait froid, je vais te garder au chaud. J'ai la bonne température pour te sauver de la tempête. Température, attends, ça c'est Sean Paul ? Yes ! Bien joué ! Eh bien, comme ça, au moins, on saura ce qu'il dit. Vous voulez que je vous mette l'extrait Ah, mince, c'est vrai que les paroles, elles sont... Ouais. C'est recherché, hein. On est tout trop. Ah mince, je retrouve plus mes extraits. Alors attendez, j'ai un petit problème. Je vais vous le passer. Voilà. Et voilà. On se fasse opérer de la hanche. Du coup, c'est bon, vous avez retrouvé les paroles. Ouais. Vous avez reconnu et tout dans ce qu'il racontait en anglais. Ouais, je vois vos yeux. Tout à fait illuminé par... Alors, je vous fais le... Du coup, ça fait un point de plus pour Florence. Alors, attendez, il faut que je fasse les points, là. Ça fait 6 pour Florence. Bon, est-ce qu'on compte encore? Oui, peut-être tu que Maman peut se rattraper, on ne sait jamais. Alors... T'as de l'espoir. Le deuxième refrain. Ça fait « N'arrête pas, fais tout péter. DJ, mets en plein les enceintes. Ce soir, je vais me battre jusqu'à voir la lumière du jour. Tic-tac, fais l'horloge, mais la soirée ne s'arrête pas. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. » Je vous ai même traduit les petits oh oh oh. Très Rihanna. Important. Non. Ah, ça aurait pu Don't Stop. C'est une fille. Ouais, c'est une fille. Britney Spears. Non. Nadia. Non. On a dit quelqu'un qui chantait. Ah. Elle a pu chanter en anglais qu'on ne sait pas. C'est vrai, peut-être qu'elle en a fait en anglais. C'est vrai, c'est vrai. Alors. Je vous la refais. Attends. Ouais. Alors, peut-être que c'est Beyoncé. Non. Jennifer Lopez. Non. Shakira. Vous allez me faire toutes les chanteuses. Oui. Ok, alors je vous refais le refrain. Et sinon, après, je vous le fais dans la langue originale. N'arrête pas, fais tout péter, DJ, mets en plein les enceintes. Ce soir, je vais me battre jusqu'à voir la lumière du jour. Tic-tac, fais l'horloge, mais la soirée ne s'arrête pas. Oh, oh, oh, oh, oh. Cascada. Oh. Non. Allez, je vous le fais. Alors, comme je ne sais pas très bien prononcer en anglais, je trouve une petite astuce pour m'aider. Et donc, voici le refrain en langue anglaise. Don't stop, make it pop. DJ, blow my speakers up. Tonight, I'm a fight. Till we see the sunlight. Tick-tock on the clock. But the party don't stop. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ça fait vraiment oh, oh, oh. Ouais, ouais, ça fait oh, oh, oh. Après, je peux pas vous faire l'air parce que si vous allez reconnaître. Je sèche là. Ouais, puis ça fait un peu genre toum, toum, toum. Ouais, c'est... Je vois, mais celle qui fait ça. Don't stop, make it pop. Ouais. Ouais, ça vous dit peut-être un peu quelque chose. Il hein. y a un mot qui est en fait le titre. Dans Est-ce que c'est une australienne oh, j'en sais rien du tout. Peut-être. Tic-tac. Oui. Vas-y, maman, c'était ça. C'était... Allez, je te donne le point. C'était Tic-tac de Kesha. Ah, c'est... ah, tu comptais ça? Ah oui. Eh ouais. Ah non, bah du coup, c'est une américaine. Je vous passe l'extrait. Vas-y. Et voilà, vous avez reconnu les paroles. Voilà, vous savez ce que ça veut dire maintenant. Alors, la troisième, attention, il y a un piège. Donc c'est pareil, je vous fais le refrain en français. Alors, crie jusqu'à ce que tu sois toi-même. Crie même si c'est tout ce qu'il te reste. Crie même si ça fait mal. Crie de toutes tes forces. Et voilà. Et après, il répète encore la même chose. C'est un homme. Bah oui, du coup, je me suis... Eminem. Non. Chris Brown. Chris Brown, ouais. Non. Je pense qu'on va tous te les faire encore là. Je vous ai dit, il y a un petit piège, mais je vous ai pas dit où. C'est pas de l'anglais. Ah ah. Ah, mais c'est Shrai. Bah oui, attends, c'est Tokyo Hotel. Non. Et oui. C'est... Vous voulez que je note le petit extrait que ça donne en allemand? Bah oui. Pour se rappeler des souvenirs de cette musique horrible. Et voilà, c'était donc Shrai. Voilà, maman, je suis déçue parce que t'as fait comme un allemand élevé avec moi. T'aurais dû deviner. Ah oui, voilà. Il criait pas plus aigu quand même? Oui, il me semble. Eh ben non, là, c'était sa voix de début, hein. C'était quand même la voix la plus aiguë. Et donc, voilà, il faut savoir que Tokyo Hotel existe encore. J'ai regardé des clips. Ils existent encore? Ouais, de ce qu'ils font maintenant. C'est pas du tout le même style de musique. Hein. Voilà, voilà. C'est un peu techno? Enfin, ouais, électro? Un peu ce genre de truc, ouais. Il a gardé un peu le même style, le chanteur, un peu, tu sais, enfin pas la Lady Gaga, mais tu sais, hyper androgyne. Excentrique, ouais, androgyne, à jouer vachement sur les couleurs, les trucs qui, un peu excentriques, quoi. Voilà, je vous conseille à tous, chers auditeurs et mes chers invités, de regarder les derniers clips de Tokyo Hotel, vous allez être éblouis. Voilà. Et donc c'est quand même un groupe quand même assez emblématique de notre adolescence, n'est-ce pas? Alors peut-être pas pour nous, mais certains de nos camarades à l'école étaient très très très très fans. Voilà. Très, trop. Ouais, très. Trop. C'est voilà. Je me demande, quand c'est comme ça, est-ce que tu gardes tes affaires toute ta vie ou est-ce qu'à un moment tu finis par les vendre? Et si t'arrives, est-ce que tu arrives à les vendre surtout? Non, mais il faut finir par les vendre. Hein. Ça peut peut-être devenir collector. Hein. Ouais, c'est ça. Tu peux gagner de l'argent. Il y a moyen, je pense. Alors, est-ce que vous voulez qu'on en passe une des trois? Ah, bah alors là, tout de suite... Pas Tokyo Hotel, déjà. Ah, non, moi, j'oublie Tokyo Hotel. Hein. S'il te plaît. Alors, sinon, les deux autres, c'était quoi déjà? Les deux autres, Sean Paul. C'était Sean Paul Température et Kesha TikTok. Oh, Sean Paul Température. Ouais, j'aurais dit pareil que toi. Ah. Allez, c'est parti. Donc, dans l'émission... Pour nous déhancher voilà. Au collège. Ouais, c'est pour s'arrêter de ça. Caliente dans les studios de Radio Gemozo. Bah c'est parti pour Jeanne Paul, donc avec Température. Avec la barre de Paul Lenz. Du, du, du. The girl them skill art, Jeanne Paul. Some give it to, some give it to, some give it to our girls. 5 million and 40 naughty shorty. Baby girl, all my girls, Jeanne Paul say. Well, woman, the way the time cool, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Oh, oh. Because of the girl, them broke out on the floor from your door on a workplace performer. From your door on a man where can't turn you on. Girl, make I see you when them upon ya. Can't stand for the long, not eat no yam, no steam fish, no green banana. But down in Jamaica, we give it to you hot like a sauna. Well, woman, the way the time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Oh, oh, pumper exposed and girl, you got the chest out. But you know we ain't soft, cause girl, you're impressed out. And if you diss out of me, if it is out, cause I got the remedy for make you de-stress out. Me have a flat to become a God bless out. And girl, if you want it, you have to confess out. And a life where we need set speed, if it is to my chest out. Well, woman, the way the time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. So me crazy now, this strange love it and a Bridget and flavor show. Uh-oh. Time for me make baby now, to stop boy like you, I get shady, yo. Uh-oh. Woman, don't play me now, cause I'm a flip and fat, not greedy, yo. Uh-oh. My loving is the way to go, my loving is the way to go. Well, woman, the way the time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Brother like me, girl, there is no other. No need to talk it right here, the spark it right here, keep it undercover. Come in love, all your fits and your blows and your fat and your jeans, I'm a wild discover. Everything about you, baby girl, can you hear when me utter? Well, I'm on the way, the time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. I see the girl them broke out from the floor. From your door, I know what Chris performer. From your door, I know man, what can't turn you on. Girl, make I see you when them upon ya. Can't stand funny long, not eat no yam, no steam fish, nor no green banana. But down in Jamaica, we give it to you hard like a sauna. Well, on the way the time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. C'était Sean Paul, Température. Maintenant, on sait ce que ça veut dire, les paroles. On est assez éblouis donc, par cette poésie, n'est-ce pas, les filles? Cette voilà. Magnifique poésie. Moi, j'aurais pu trouver pire chanson, je pense. Oui, oui. Ben, plus vulgaire. Ouais, ben pour la, comment ça s'appelle, l'émission d'avant, j'avais choisi pire. Voilà, je vous rassure. Eminem, quand tu traduis les paroles d'Eminem, c'est pas ouais. Assez rigolo. Ouais. Oh, après, les paroles d'Eminem, ça a toujours été trash. Hein, ouais, bah ben, provoque, quoi. Econ, il n'y avait pas. Attends, Sexy Beach. Attends, c'est lequel? Ah, non, si, c'était avec David Guetta qui ouais, faisait Sexy Beach. Ouais, t'avais une version sexy. Enfin, je sais plus, où ils avaient un peu censuré. Puis t'avais la version non censurée. C'était un peu Sexy Beach, ouais, je crois que c'était ça. Mm. Mais malheureusement, elle ne fait pas partie de ma playlist. Dommage. Il y en avait tellement à choisir, c'était vraiment dur de faire le choix. Et donc, on va faire un petit défi. Un défi un peu plus physique qu'intellectuel. Maman nous a avoué tout à l'heure quand même qu'elle savait bien danser. Alors, bien danser, je n'ai pas dit bien, j'ai dit que j'ai dansé. Et là, je vais vous rappeler donc une période incroyable, vous allez voir, des années 2000. Et donc, je vais vous passer la musique. Et si vous êtes chaude de faire une petite choré. Attends, la Macarena, c'est pas les années 2000, c'est juste avant. Ah non, t'as la SketchUp aussi. La SketchUp. Mais c'est peut-être pas les années 2000. Vous allez voir. Et je propose celle, donc je serai seule juge, puisque du coup je suis la seule à vous voir. Donc de voir laquelle a fait la meilleure choré. Alors je pense que vous pouvez rester assise et faire un truc. Sinon, vous levez et faire un petit truc. Ça va être assez court. Hein. J'ai pris la musique et je l'ai raccourcie. Voilà, pour pas que ça soit quand même trop long. Et que vous n'ayez pas à danser trop longtemps. Voilà. Vous êtes, ça vous dit? Vas-y. Pour gagner un petit point de plus, Maman, c'est le moment de gagner un point de plus. Je suis prête sur ma chaise. Vous êtes prête? Ok. Reculez peut-être un petit peu pour les micros, c'est peut-être mieux. Ok, ah oh ben, ok, super. Et voilà, ça va être, je sais pas, 20 secondes, je crois, à peu près. Ça, la tortue ne sera pas très longue. C'est parti. Keep it together, let's try to keep this thing. Voilà, je l'ai fait quand même assez courte pour que voilà, ça soit pas trop long. Alors, c'était pas trop mal, hein? Bah, c'est bien coiffé, maman. Florence aussi, t'as fait le petit recoiffage. Oula, mince, j'ai dégommé mon micro. T'as fait un peu le recoiffage et tout. Je sais pas comment ils disaient ça. Je mets mon gel. Maman, elle a fait un peu les petits moulinets. Hop, la plat. C'était pas trop mal. Désolée. Ouais, c'est ça qui m'a fait gagner un point. Qu'est-ce que je fais? Je mets le point à toutes les deux? Bah oui, quand même, hein. Ouais. Non, tu peux le mettre à Momon. On a fait l'effort. Je suis bonne joueuse. Allez, Momon. T'as déjà 6 points aussi. 6 points. Allez, Momon, tu rattrapes Florence, t'es à 3,5. Ouf, 3,5, j'ai combien? 6. 6. Ouais. Elle peut remonter, elle me doubler? Je sais pas. Il y a plus trop d'autres défis, mais je peux peut-être improviser des questions. On peut voir. Alors, en tout cas, c'était donc de la tectonique. Voilà, on a reconnu tout ce merveilleux style. Mais je suis allée un petit peu regarder sur Wikipédia. apparemment ça marchait de 2006 à 2017 et c'est tout. Voilà. Voilà, donc voilà, c'était pas très longtemps. Il paraît que ça marche aussi en Amérique latine et dans les pays de l'Est. Voilà. On a su exporter nos meilleures musiques. Et donc c'est né donc à Paris. Donc il y a quand même des gens qui ont posé je sais pas un label, un truc sur le nom vraiment Tectonic, et genre les boîtes qui voulaient faire des soirées Tectonic ou TCK, voilà, le raccourci Tectonic, ils devaient vraiment demander l'autorisation aux deux mecs qui inventaient le truc. Ah oui. Voilà. C'était vraiment voilà. Ouais, et donc c'est bien en référence à la tectonique des plaques, parce que voilà, ça fait bouger, je sais pas, en mode voilà. Pas mal, très belle transition. Et c'était un mélange de hardstyle et jumpstyle, avec les gens, vous savez, qui dansaient avec les pieds et tout. Mmh. C'était un petit mélange de ça, et effectivement, il y avait vraiment des chorés, enfin des gestes vraiment qui allaient avec la tectonique, quoi. Mmh. Ouais. Oui, ça allait un petit peu avec le style aussi des années 2000, là, un peu le fluo. Les mitaines, je sais pas si vous vous souvenez. Étoile. Ouais, ouais. Les mecs, ils avaient une espèce de crête, ouais. Mm. Et qui faisaient un peu mulet à l'arrière. C'est-à-dire que la crête était un peu longue et dépassée dans le cou. C'est très sexy. Les slimés, les grosses baskets. Mm. Oh, ça se fait toujours. Moi, ouais, ça se fait toujours. Vous dansiez à la tectonique, les filles? Ah non. Oh, non, j'ai pas trop adhéré. Non, c'était pas. C'est vrai, c'était pas votre cam. Ah non. Quel dommage. On n'a rien loupé, je pense. Il n'y avait pas trop de monde, hein, encore au collège, hein, qui dansait. Il y en avait quand même 2-3 qui étaient peut-être un peu fans et qui savaient bien. Puis il n'y avait pas d'entre-deux, quoi. C'était tout ou rien, quoi. Ouais, sinon, il n'y avait pas grand monde. Peut-être qu'il fallait plus aller dans les grandes villes. Ou dans les grandes villes. Ouais, parce que... À Épinal. À Épinal. Oh. Ah, je ne sais pas. C'est vrai que nous, parler en boîte, c'était un petit peu compliqué. Mais bon, voilà. Nous allions à l'Ostra. Je vous propose pas de faire une pause de tectonique. Ça vous dit pas grand chose. Mais si tu veux mettre, vas-y, hein, vas-y. Ben non, du coup j'en ai pas, parce que j'ai passé déjà le petit extrait. Je me suis dit que ça serait peut-être un peu suffisant. Je voulais passer à la suite. Vous êtes pas trop triste, ça va? Non, ça va. Alors, on va s'en mettre. Je voulais, ben moi aussi, j'ai choisi une chanson perso. Ah. Et donc c'est le moment. Évanescence. Non, j'aurais pu, mais donc cette chanson, c'est parce que, donc vous saviez, à l'époque, on achetait des CD et on se les refilait. C'est-à-dire qu'il y en avait une qui achetait un CD, puis après, les filles du collège étaient là, « Ah, t'as acheté le CD, mais trop bien, tu peux me le passer ?» Et du coup, ben, tu le passais un petit peu à tout le collège. Tu m'as jamais redonné mon CD des Pokémon. ça ne me dit rien, Florence. Je crois pas que j'avais un CD des Pokémon. Ça me dit rien, désolée. Non, je me souviens qu'on regardait des cassettes Pokémon chez toi, mais c'était des cassettes de VHS. Et moi, comme j'avais pas de télé chez moi, ben, je pouvais pas les regarder. Donc je pense que ça a dû les prêter à quelqu'un d'autre. Et du coup, ben, voilà, on s'achetait les CD, puis on les refilait. Et puis après, ben, forcément, quand quelqu'un ben, te refile le CD, tu lui dis ben, « T'as pensé quoi de ce CD ?»« Ah, moi j'aime bien telle et telle chanson. » Et donc je me souviens... attendez, je vais vous dire ce que c'est. Un peu de patience. Et donc je me revends en train de discuter de CD, donc vraiment l'album venait de sortir, il y avait juste un single qui était sorti, et donc moi je parlais de musique qui n'était pas encore passée à la radio, et je dis ah bah celle-là je l'aime vraiment bien, et puis là, je sais pas c'était qui me rend le CD et qui me fait ah ouais bof, et genre 3 mois plus tard la chanson est sortie en single et là tout le monde l'a chantée, et là tu te dis ok, bon bah les gens ne sont pas du tout influencés par la popularité. T'es précurseur Camille, bravo. Voilà, c'était Diams, c'était Jeune Demoiselle. Oh oui! Et je me souviens à l'époque, il y avait juste La Boulette qui était sortie, donc les gens bah, adoraient cette chanson. Et quelques mois, vous savez, des fois, ça met un peu de temps à sortir un single où il les étale un petit peu dans l'année. Et du coup, c'était sorti et tout le monde l'a chanté après cette musique. Tout le monde était trop en mode ah, elle est trop bien! Bah, c'est marrant, quand je te l'ai dit il y a 2 mois, tu l'as trouvé bof. Mais bon, voilà, c'était ma petite chanson, j'ai choisi pour ça. Parce que j'aimais bien Diams, et puis c'est vrai qu'on écoutait quand même pas mal de rap au collège. Enfin, il y avait un petit peu les. La team rap, la team tougher, qui écoutait du rock. Ah, c'est vrai. Voilà. Et moi, j'écoutais du rap. Les skaters. Voilà. C'est ça, ouais. Les skaters, plus que les tougher. Et voilà, donc on écoutait... on est encore raisonnable. Moi, je pense que les deux teams, il doit y en avoir dans les deux qui... voilà. Bref, on va pas trop... On est là pour légaliser la cannabis. Ça sera coupé après. C'est pas le sujet de la mission. Donc je vous propose d'écouter Diams, Jeune Demoiselle. Vas-y. Allez, c'est parti. Mmh.

Parce que j'allais dire, moi, mon ordinateur était vraiment genre en plein milieu du passage. Je ne pouvais vraiment pas être discrète. C'est non, je crois, avec j'ai plus quand j'en ai eu un, mais j'en ai eu un, j'ai récupéré celui de mon frère. Ouais, c'est ça. Moi aussi, on va dire que c'était grâce à ma grande sœur que j'ai eu un ordinateur. Sinon, je pense que je n'aurais pas eu. Merci. Est-ce les que tu as eu un blog, Camille ? Eh ben non. Mais je pense que... que toi non plus, Florence. Par contre, Coralie, ah je oui, pense Coralie, que... Oui, Miss Coco XXX 88, la Miss des Vosges ou des trucs comme ça. Est-ce que t'en as pas eu même plusieurs ? Non, j'en ai eu qu'un, je crois que c'était Thierry Coco, je sais plus quoi, j'avais fait un truc. Est-ce que tu l'as désactivé ? Fais gaffe, ça se trouve, on va encore le retrouver. Non, je pense que tu peux encore le retrouver. Parce qu'il y a des gens qui ont fait exprès de le désactiver, mais si t'as rien fait, je pense que tu peux le retrouver. Ah non, j'ai rien fait, j'ai tout les arrêté comme Skyblog, ça en fait. Ouais, c'est ça, les Skyblog. Ouais. J'ai tout arrêté comme ça, j'ai pas pensé à le bloquer à l'époque. Et ça se trouve, tu te souviens même plus du mot de passe. Genre, tu voudrais supprimer des photos, mais ah non, là, là, je pourrais même plus te dire. Hein. Ok, donc si un jour quelqu'un t'embauche et qu'il tombe sur ton Skyblog. Ah, en plus, si tu avais mis des photos avec des textes, genre. Enfin, tu sais, comme les gens, ils mettent maintenant des textes d'un livre. Connoté, tu mets l'auteur, enfin je me suis fait chier à faire des comme citations ça. Oh, et tout. C'était horrible. Tu fais aussi avec des, tu sais, des lettres qui sont pas de la même hauteur, tu sais, genre minuscule, majuscule. Tu fais avec des petites couleurs pour que chaque lettre ça change c'est de ça, couleur oui. Et tout. Oui. Ou sinon, je crois que l'adresse était Coralie, enfin mon adresse mail, enfin je sais plus ce que c'était. Ouais. Ou Moment, enfin comme à l'époque Coralie-Moment, je sais plus ce que c'était. Ah c'était loin tout ça. Et ouais, les Skyblogs, on est quand même content que ça n'existe plus. Mais c'est vrai qu'un peu Facebook, c'est un petit peu comme... Ça existe encore, les blogs. Hein. Ouais, mais les gens... C'est plus les blogueuses de maintenant qui les font pour te décrire certains... C'est-à-dire que... Certains trucs, vêtements, etc. Ouais, nous, on n'avait peut-être pas forcément de passion dans notre vie, mais on voulait quand même raconter ça sur des blogs, quoi. Ouais. Donc peut-être les gens font peut-être plus ça sur Facebook. On voulait des commentaires, des coms. Ouais. Et ouais, Facebook, c'est un peu ça aussi, tu peux faire des commentaires et tout. Mais il faut être ami avec les gens. Alors que Skyblog, tu pouvais pas être ami avec les gens, mais laisser quand même des commentaires. Comme ça, t'avais si, des. Si, tu pouvais rajouter des blogs amis. Ah ouais. T'avais une section mes amis. Ah ouais, tu pouvais mettre aussi des liens avec d'autres blogs aussi, ça je me souviens. Je me souviens de filles, alors je sais plus c'était qui, mais je suis sûre qu'il y avait des filles, elles avaient au moins 3 comptes différents. Il y en a, elles en avaient plein des différents, puis elles mettaient les liens, regardaient mes autres blogs et tout. Elles faisaient de l'autopub, on va dire. Alors donc ouais, c'était un petit peu les débuts d'internet, etc. Et on a vu aussi les premiers MP3. Je sais pas si vous en aviez eu, mais vous savez les trucs qui ressemblent un peu à des piles, enfin un petit peu long, en longueur, un petit peu moche. N'est-ce pas, oui. Et vous faisiez comment pour trouver vos titres ? Vous téléchargez illégalement ? Bien sûr. Sur Megaupload, un truc comme ça. Oui, il y avait des sites à l'époque où tu pouvais télécharger et mettre. Mais c'était vous qui faisiez ou moi, je me souviens, c'était ma sœur, elle avait des musiques et je récupérais ses musiques. Non, moi je demandais à ma sœur ou à mon frère ou à des amis qui avaient déjà de la musique sur certains trucs. Ouais, moi je faisais beaucoup ça, genre. Donc, en fait, tu veux qu'on se fasse qu'on ait une amende en fait. Mais non, c'était il y a longtemps. Il y a certains sites confirmés et tout, c'est comme ça. Puis de toute façon, va les retrouver dans nos MP3, on les a tous jetés ou alors ils marchent plus. Tu fais la promotion à la radio. Mais non, mais... De télécharger, de ne pas payer les artistes. Ah non, je ne dis pas ça. Mais est-ce que, franchement, vous aviez acheté toutes les musiques de vos MP3 Non. Parce que moi, je me souviens, c'était genre, je passais mon MP3 ou ma clé USB à quelqu'un et il mettait des musiques dedans. Et des fois, il y avait vraiment des qualités dégueulasses. Genre, tu vois que les mecs, ils enregistraient ça à l'arrache. Limite, tu sais, t'entends le vieux son de Windows, là. Tu sais, pour l'antivirus en plein milieu de ta musique. Mais comme t'as que ça, la base antivirale a été mise. Bah, comme t'as que ça, t'es quand même content d'avoir ta musique. Et puis, puis on gravait des CD aussi. Je sais pas si vous vous souvenez. On se passait des CD gravés, puis après, fallait avoir le lecteur à graver et tout. Puis on avait des jolis CD avec rien écrit dessus. Puis t'avais les lecteurs DVD aussi. Avec les cassettes et tout. Qu'est-ce que vous avez fait Mais moi aussi j'avais des cassettes audio. Mais ça c'était plus en primaire. Tu les rembobinais au doigt. Ouais, au crayon. Au crayon, oui. Oh. Et alors, vous utilisez encore des CD ou pas Oui. Bah oui. J'ai pas entendu la question. Est-ce que tu utilises encore des CD, Florence? Non. Ah, c'est vraiment dommage parce que tu sais quoi? En fait, ce que tu gagnes, c'est un CD. Oh. Ta-da, ta-da. Et alors, la compile. J'ai fait une super compilation avec les musiques donc, de l'émission. Plus en rab quelques... Et il y a ta photo dessus, il me semble. Et voilà. Et alors, comme il faut rire de soi-même, j'ai trouvé une... En rangeant mes affaires, j'ai trouvé une belle vieille photo dégueulasse de quand j'étais au collège. autocollante. Donc, je l'ai collée. Tu as osé la mettre. Et j'ai écrit au blanco sur le CD, parce que voilà, c'était comme... Oui, comme parce qu'il y en a qui se mettaient du blanco sur les ongles. Hein. Ouais, sur les sacs aussi. Comme ça, après, on pouvait vraiment pas refiler son sac à ses petits frères ou ses petites sœurs, puisqu'il était totalement personnalisé. C'est vrai. D'être très content des parents. Et puis, comme je savais pas qui allait gagner, j'ai imprimé deux photos pour les mettre en couverture. Ah, et selon voilà, qui c'est qui gagnait, vous n'avez pas les mêmes personnes. Je pense qu'on a compris. Donc voilà, Christophe Maé pour Maman. C'est pour qui Christophe Maé? Et Daniel Radcliffe pour Florence. Ah bah oui, Harry Potter. Il y a des très belles photos. Voilà, je suis contente, j'avais trouvé des belles photos. Voilà, Maman, tu pourras repartir avec la photo. Même si tu n'as pas le CD, voilà. Mais on n'a pas la dédicace. Mais non, bah non. Fais-nous une fausse signature. Passe-moi à Radio Gameson. Alors voilà, Florence, j'espère que tu es très contente. J'attends que tu m'apportes. Ben, je te passerai après l'émission. Et puis ben, du coup, comme tu ne pourras pas l'écouter chez toi, il faudra que Maman t'invite. Puis oui, vous on le mettra dans sa voiture, sur le parking du, je sais pas, de l'Intermarché, et puis on mettra ça à fond. On la mettra sur le chemin du retour, surtout. Ben voilà, voilà, parfait. Et bon, ben voilà, je comprends si vous le rangez avec vos vieux CD, je vous pardonnerai. Voilà. Mais bon, c'est un super souvenir, plus que... voilà, qui est vraiment... C'est pas mal, c'est pas mal. Non, bon. C'est pas mal. Ouais, bonne idée. En plus, c'est des musiques modernes. Ah bah non, non. Mais les modernes 2000, ah non, quoi. Là, c'est vraiment la musique des années 2000. Oui, enfin, c'est ça. Bon, ça c'est dépend vraiment... quelle année t'es née, quoi. Ouais. Bah là, j'ai mis un peu... C'est vrai que ça tourne un peu autour de 2005, 2004, mais il y a des trucs qui descendent un peu en dessous, autour, genre 2000 à 2010, quoi, on va dire. J'essaie un peu vraiment de centrer dans les années 2000. Alors, il reste 5 minutes. Le temps passe vite. Qu'est-ce qu'on... encore, j'avais encore un petit défi, c'est-à-dire que même si Florence répond ou ne répond pas, de toute façon c'est quand même Florence qui a gagné, vous voulez la faire, puis après je pense qu'on aura encore une dernière petite musique. D'accord, vas-y. Alors c'est un peu le même principe que tout à l'heure, c'est je vous donne des mots par rapport à un clip et il faut deviner donc quel est ce clip, la musique et donc les gens qui chantent. Donc c'est parti. Moto supersonique. Ligne de perspective verte fluo. Alors, c'est pas un seul mot, mais bon, voilà, c'est plusieurs mots qui vont ensemble. Tic-tac. Et boîte de nuit immatérielle. J'avais pas vraiment le mot, oh, mais... Bah. Ah, merci Camille. Okay. Alors, voilà. C'est infernal. Oui. C'est Paris from to Berlin ou dans l'autre ouais, sens? Ouais, from Paris to Berlin. Ok. Est-ce Maman, tu vas voir, tu vas reconnaître. On met cette petite musique et puis on se retrouve juste après. C'est avec plaisir. From Paris to Berlin, in every disco I get in, my heart is pumping for love, 'cause when I'm thinking of you and all the things we could do, my heart is pumping for love, you left me longing for you. From Paris to Berlin, in every disco I get in, my heart is pumping for love. Just can't let it go. is pumping for love. You left me longing for you. Vous avez bien sûr reconnu From Paris to Berlin, donc de Infernal, cette superbe musique avec ce super clip avec des genre moto, ils partent genre de boîte en boîte. Et donc, on t'entend ma man quand tu parles là, ça y est, j'ai branché les micros. Et donc voilà, c'était un super souvenir, c'est vraiment, ça fait vraiment année 2000 et ça fait un peu penser au clip Je vais vite ou à 20 ans de Laurie, genre Laurie. Hyper futuriste, ouais. Ouais, avec des super effets spéciaux, la classe. Et malheureusement, c'est la fin de l'émission, je pense pas qu'on aura le temps d'en écouter une dernière, malheureusement. Les filles, bah, je vous remercie d'être venues. Qu'est-ce que vous pensez de votre première émission ? Je pense qu'on a, une grande carrière devant nous. Ouais, je pense qu'on a un avenir dans ce domaine. On va pouvoir ouvrir des émissions sur Fun Radio à 22h. Ah oui, je pense. On sera une très bonne concurrence. Hein. Oh oui. Ah, laisse tomber. Ouais. Tu vas nous donner le double de, de l'enregistrement de la radio. Et puis du coup, on va aller voir, ouais, on va aller donner voir Fun, énergie. Comme si c'était notre CV. Regardez, écoutez ce qu'on fait. Notre forte. Ça, hein. Et ben, en tout cas, je suis contente que ça vous ait plu. Et puis peut-être à bientôt sur Radio Gamozo, qui sait, on sait jamais. Et ben, on se laisse là donc avec le générique. Pour l'instant, je pense pas qu'il y aura d'autres émissions de C'était mieux avant. N'hésitez pas à rester connectés sur notre page Facebook au cas où qu'il y en ait une troisième. Et donc vous pourrez retrouver les podcasts sur seulement la page Facebook cette fois. Et ça sera diffusé samedi à minuit, il me semble, et mardi à 16h. À bientôt sur Radio Gamozo. Hey, c'est-à-dire qu'il y avait tellement de l'ambiance à cette époque-là. Et comme j'étais beau garçon, quand je vois que j'ai fait mes 30 ans aujourd'hui alors que j'avais 18 ans hier, les jours passent comme les voitures. Ouais, la vie de l'homme ne dure pas longtemps. Quel est le bilan de ma vie, hein? Hey! Changer, qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite.